marches in the name of democracy. All we hear is Radio Gaga, Radio Goo Goo, Radio Gaga. Bonsoir à tous sur Radio Gaga, Radio Dio 89.5, et nous avons le plaisir d'accueillir avec Cécile, grâce Bonsoir. À Cécile, oui. le groupe Lingus. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Merci. Alors Lingus, j'enchaîne, trio lyonnais. Faut pas trop le dire à Saint-Thé, mais bon, c'est trop tard. En général, on dit Stéphano Lyonnais. Non, parce alors, qu'il y en a, ouais, y a, alors justement, y a qui est Stéphanois? C'est ça qui m'intéresse. Je ne suis pas Stéphanois, mais j'ai vécu à Saint-Étienne quelques temps, ouais, quelques années. Mais c'est pas grave, ça marche quand même. Ouais, on peut dire que ça fonctionne. Ouais. Mais je le suis plus, hein, du coup. Donc, Mais on est sur un label Stéphanois. Oui, ouais. Alors justement, on va en parler. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter, s'il vous plaît? Mathias, à toi l'honneur. Eh bien, Mathias. Faut dire la fonction. Ouais, ça serait bien. Je fais de la guitare et je chante. Ok. Donc Julien, batteur. Antoine à la basse et au chant également. Et il me semble qu'il y a des frangins dans l'histoire. J'ai pas repéré, pardon. Attends, c'est vrai. On... Bon, il y a pas l'image donc. Ouais. En tout cas, je suis bien content de pas lui ressembler. C'est bon, j'ai compris. Du coup, Lingus qui a sorti un premier EP. Arrêtez-moi si je me trompe. Hein, de 5 titres en octobre 2016. Oui, tout à fait. Qui s'intitulait The Story of Mr. Size. N'en dis pas trop, Cécile, parce qu'il va falloir qu'on les fasse parler après. Hein, ouais, mais attends, j'introduis D'accord. tranquillement. Oh, c'est très bien. Et donc, vous avez sorti un deuxième EP qui s'appelle Acceleration. C'est ça. Exactement. Qui est sorti en mai 2018. Exactement. Et donc, vous allez nous faire une petite tournée, mais on en parlera tout à l'heure. Également. Voilà. La parole est à toi. Eh bien, comme habituellement, on enchaîne souvent avec un gros, gros morceau, un gros son. Donc là, bah, c'est AC/DC. Bon, je les ai vus en 88, 91, 2010. J'avoue que la dernière fois que je les ai vus, j'étais un peu déçu, mais il faut dire qu'il y avait pratiquement 70% de l'équipe initiale, enfin pas initiale, mais de l'équipe habituelle du groupe qui n'était pas là. Voilà, on sait qu'ils sont en studio sur des chutes de studio de Malcolm Young, qui est le frère d'Angus Young, qui est décédé malheureusement il y a Mais chanteur, il chante toujours ou... Alors, le chanteur ouais, est parti, il a été remplacé ouais. par Axl Rose oui. sur une tournée parce qu'il y a des problèmes de surdité. Il revient, donc là, a priori, c'est plutôt ça va être un album, a priori, enfin, d'après les informations qu'on a, parce que AC/DC, c'est quand même c'est blackout total au niveau de la com, hein, c'est-à-dire que. C'est compliqué de savoir ce qui se passe exactement, ouais. mais a priori, mais je pense qu'ils savent peut-être pas, le chanteur Brian Adams, oui, c'est vrai que c'est une machine qui est devenue tellement énorme. En tout cas, Brian Johnson, le chanteur, a dit qu'il y allait y avoir du neuf avec du vieux. Voilà, donc on enchaîne tout de suite avec un titre qui s'appelle Thunderstruck, qui était enregistré à Donington. Je laisse là. Thank you. Et voilà, c'était AC/DC, AC/DC plutôt. Après, je vais me faire disputer par Cécile. On en profite pour faire un petit coucou à Pat, qui était un petit peu en vacances, qui était dans le nord de la France, je crois, en famille. Bisous, bisous, Pat. Voilà, je crois qu'il rentre dans la soirée. Il a dit qu'il nous écouterait. Il vous propose un groupe qui s'appelle les Fabulous Sheep, qui est un groupe de Béziers. Qui devrait plaire à Cécile. Donc là aujourd'hui, il nous a fait un morceau pour moi, un morceau pour Cécile. C'est là qu'il est bon. C'est vrai, ouais, il est très bon. Donc c'est parti pour ce groupe de Béziers. C'était pour moi. C'était court, mais c'était pour moi aussi. Ben alors, curieusement, j'ai écouté quand même les deux titres en amont parce que je suis quelqu'un de sérieux. Ouais, je vois ça. Et finalement, le titre qui t'a mis pour toi me plaît plus que le titre qui m'a mis pour moi. Voilà. Ouais. Bah, il a visé juste pour moi. Tout à l'heure. Voilà. Ok. On va se tourner vers nos invités. On a fait la même. Et en fait, j'ai deux, trois questions. Seulement. Vous poser. Existentielle. Ouais, mais je dis deux, trois, mais c'est pour faire passer la pilule. Alors, première question. Comment vous vous êtes rencontrés? Alors, les frangins, je veux pas votre réponse, ça m'intéresse pas. Mais c'est pour Julien. Comment t'as rencontré les deux larrons? Alors, on s'est rencontrés via un site internet. Ouh. C'est pas très... Enfin, si, c'est sexy, hein, quelque part. Ça dépend lequel. Ouais, on s'est rencontrés... ils avaient posté une annonce, en fait, pour chercher un batteur. Et c'était dans un ancien projet, c'était pas ce projet-là au départ. Et le fameux. Ouais. Et du coup, j'avais répondu non. Ah, c'est con. C'est un mec sympa. Ouais, ouais. Et du coup, j'ai réécouté les chansons à l'époque et du coup, je me suis dit ouais, je vais essayer une fois avec eux et tout. Et depuis, on s'est plus quitté. C'est beau. Mmh. Ouais, c'est beau. Alors, du coup, l'ancien projet, peut-être si on a le temps, on en parlera. Il est mort. Définitivement décidé. Du coup, pourquoi vous avez choisi Lingus comme nom de groupe? Eh ben, ce n'est pas du tout lié à une blague potentiellement graveleuse. Ah merde, moi je croyais du coup. Ah merde, c'est pour ça que t'as accepté en fait. Sinon. Bah moi ouais, c'était. Et on est tellement naïf et crédule qu'on s'en est jamais aperçu de cette potentielle blague avant le premier concert qu'on fasse, qui était à Saint-Étienne, je crois. Non, c'est pas chez nous qu'on s'est moqué de vous. Ouais, et non, en fait, c'est tout simplement lié à un groupe de musique qu'on aime beaucoup. Tu t'en rappelais pas, je crois. Qui s'appelle, d'un coup, là, hein. Qui s'appelle les Snarky Puppy, qui est un groupe de jazz fusion, en gros, grosso modo. Et on aime, on aime beaucoup tous les trois. On s'est bien pris une claque en allant les voir en concert à l'époque, etc. Il y a quelques années. Ce titre, du coup. Ils ont un titre. Effectivement, j'ai oublié. Ouais, parce que je me disais, ils vont arriver où là. Je suis un peu long. Ouais. Et il s'appelle Lingus, ce titre. D'accord. Et en fait, on galérait à trouver un nom de groupe. Et on s'est dit, mais tiens, ça sonne super bien. Et c'est pas du tout original parce qu'il y a beaucoup de groupes en fait qui prennent des noms. À cause, enfin, grâce à des chansons d'autres. Ouais. Mm. Donc, on n'est pas très originaux. Mais on voulait un nom court et il est plutôt court. Donc. Mm. Ouais. Donc on est content. Et surtout pas de connotation sexuelle. Voilà. C'était le message du soir. Ouais. Je trouve que c'est plutôt réussi là-dessus. C'est le contraire rempli. Ouais. Bon, du coup, comment définiriez-vous votre style musical ? Alors juste, j'ai été fouillé assez vite fait sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'un trio de rock hybride, Bisou. Alors j'ai adoré le Bisou. Mm-hmm. Ça, c'est Mathias. Ça, trop mignon. Ouais. Mais encore. C'est la description sur Facebook. Ça. C'est ça. Ouais. Je m'en rappelle. Oui. Mm-hmm. Est-ce que tu peux développer, toi ou... En fait, on a eu du mal à se... Bon, après, c'est toujours... C'est toujours compliqué pour les groupes de se définir, je pense, au niveau du style. Enfin, c'est jamais... très facile. Et en fait, c'est pour ça que je pose la question. Vu qu'on est en répondant pas. On est en pardon, vas-y. Non. Moi je fais toutes les petites blagues ratées. vas-y, je te laisse. Ouais. J'ai bien attaqué. C'est juste que en fait on essaye de mélanger des styles un peu différents qu'on aime bien on et essaye. Du coup ouais, avec plus ou moins de réussite et puis et en fait du coup on cherchait un espèce de parce qu'on a une base rock, on cherchait un adjectif à ça. Et fusion, ouais, ça nous convenait pas parce que c'était très connoté années 90. Ouais. Ouais, puis c'est un style particulier. Oui, voilà. Ouais, en plus, ça s'inscrit pas là-dedans. Du coup, c'était compliqué et on s'est dit, tiens, on va mettre hybride derrière Rome. C'est à la mode en plus. Ah ouais, ouais. Tout est hybride en ce moment. Ouais, il y a un petit côté, du côté écolo. Même les voitures, un peu, c'est ça. Les salles de bloc opératoire sont hybrides. Voilà. On va s'écouter un petit titre quand même, comme ça on pourra se faire une idée du style. Est-ce que vous pouvez nous donner le titre que vous avez choisi, Antoine, du coup? Time is now. Oh, c'est le beau, temps, oui. C'est maintenant. Mm-hmm. Ok, c'est parti. Ouais. We'll be right back. Lingus, alors on vient d'avoir un coup de fil de Patrice qui passe le bonjour. Il me semblait que c'était lui. Il avait une question à poser parce qu'en fait il a vu qu'il y avait un autre groupe de Rennes qui s'appelait Lingus. Exactement. Oh voilà. Mince. Eh ben c'est quelqu'un de très renseigné. On le savait. Oui, oui, on le savait. Et on est dégoûté d'ailleurs parce que du coup on est que l'ombre de ce groupe rennais. Non. Non, mais oui, exactement. Mais d'ailleurs, non derrière. C'est... Quand on avait voulu créer notre site internet, le nom de domaine était déjà pris par ce groupe. Lingus.fr. Donc en fait on les déteste sans les connaître. Lingus 2, vous appelez comment? Lingus 2, ouais, Lingus voilà, 2. Ouais. 2.0. Ouais, ouais. On aimerait bien les rencontrer, ce serait cool de rencontrer nos alter ego. Moi je m'en fous. Mais j'ai pas l'impression qu'ils soient hyper actifs non plus. Enfin, en tout cas, nous on essayait de regarder de temps en temps. Ouais, je crois qu'ils n'avaient pas trop d'actifs. En tout cas, ils avaient la primauté du nom. Ouais, donc on est désolé. C'est quand ça, ils déposent les noms là, comment ça se passe en général? Non. Sinon, on aurait déjà des problèmes. Ouais. Les noms ne sont pas déposés. Mais on peut dire, on pourra discuter si jamais. J'espère que non. Parce que de toute façon, on est arrivé en deuxième, donc on a tort légalement. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Ouais. Une bonne trouvaille de pattes. Si je fais un groupe, je ne vais pas l'appeler ACDC, je pense que j'aurai des problèmes. Oui, sans doute. Oui, là, Oh. En même temps, ce groupe de Rennes, ce n'est pas ACDC. Non. Cela dit, on n'a jamais écouté. On sait pas. Si, moi j'ai écouté. Ah ouais? Oh, oui. Bon. On n'en parlera pas. Mais... Bon. Qui les méprise, ce mec? On va enchaîner. Alors, je vais faire ma dédicace bimensuelle. Donc, ça, c'est un titre qui est dédicacé à Manu, qui est une vieille amie que j'ai connue il y a longtemps. Longtemps. Et c'est un groupe qu'elle aime bien. Donc, elle sait que je fais une émission de radio ce soir. Je suis pas sûr qu'elle écoute, mais c'est pas grave. On aura un podcast. Ouais, il y aura un podcast. Alors, tu vois, cette fois, j'ai pas fait la bêtise. C'est beau. Alors, l'autre fois, je pense que c'était un acte manqué. On n'avait pas d'invité, donc je me suis dit bon, finalement, Pat n'est pas là. J'enregistre pas. Mais là, non, c'est bon. Enfin, a priori, ça, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc Manu, si tu nous écoutes, je te dédie ce titre, un groupe que tu adores, c'est les Cold War Kids. Alors je suis pas sûr que ce soit ton titre préféré, mais moi en tout cas j'aime beaucoup ce titre. Et, je te le dédicace, mais voilà. Je prends la chanson que j'aime quand même. Bah ouais, il faut quand même qu'il y ait un peu de ressenti. Voilà, c'est sorti d'un album qui s'appelle Hold My Home, qui est sorti en 2014, et c'est parti. Trust, and you get worried. Night after clair. Et voilà, et on continue donc l'émission. Ouais, Julien avait une bonne remarque, il disait que ça avait un petit Coldplay, un peu. Dans le côté un fédérateur. Petit, un petit côté Coldplay. Dit. Ouais, dans Cold ce titre qui vient de passer. Ouais, le titre que tu viens de diffuser, ouais. Un petit peu, un petit peu moins produit, mais voilà. Mais alors ils ont ça, c'est plutôt la deuxième partie de carrière de l'album du groupe, pardon, qui est un peu plus radiophonique, donc qui me plaît plus parce que moi, je représente le côté un peu soyeux et un peu doux, sentimental de l'émission. Mais, c'est vrai que toi, si tu les connais, moi je les avais vus en première partie d'un groupe au Nuit de Fourvière, mais je sais plus de quel groupe. Moi, je suis pas un ultra fan. Ça te dit rien comme ça. On fera une recherche Google, t'inquiète pas. Ici, on fait tout en direct, on est ultra connecté. Enfin, c'est sur Radio Gaga 89.5. On va quand même dire que Lingus passe en concert à la caserne des sapeurs-pompiers. Alors, c'est quand ça? Attends, moi j'ai toutes les dates. Alors c'est le 9. Oh, pardon, je sais pas si on peut les faire. Cécile. Non, c'est le 9 mars à la caserne des pompiers de Saint-Chamond. Alors en plus des pompiers, il y aura donc Lingus, il y aura aussi Pan of July qu'on reçoit le 28 mars. Oui, qu'on va bientôt recevoir. Le cri de la carotte et Black Trees qu'on connaît bien aussi. Alors Black Trees, c'est le groupe d'Alex, enfin Alexandre, qui fait son émission Rock'n Radio le lundi. Bon, pour l'instant, elle est en stand-by, mais on espère qu'elle va reprendre. On lui fait un coucou à Alex parce que je crois qu'en plus il vous connaît un peu et on Alex, le connaît bien aussi. On aime bien parler de foot on avec lui Alex. Pourquoi il est pour la SS lui, non? Bah évidemment. Bah, ça serait logique. Mais on va pas parler foot nous non plus parce que ça marchera pas. Donc on lui fait un coucou. Moi je vais essayer quand même d'aller à cette soirée. Bon après c'est toujours un peu compliqué de sortir tout le temps, mais on va. C'est quoi cette excuse, Michel? C'est pas. En fait c'est le week-end prochain. Non. Enfin, samedi prochain. Celui de la semaine prochaine. Ouais. Samedi en 8. Samedi 8. Non, non, mais on essaiera d'y aller. Enfin, il y aura au moins un représentant de l'émission. Ouais, tout à fait. Voilà. Ouais. Du coup, comme vous passez en concert, il y a une petite tournée qui s'annonce juste dans après. D'ailleurs, c'est la première de cette tournée. Ouais. Ouais. Et puis, dans la péninsule ibérique. Exactement. Espagne, Portugal, et ça, c'est beau. Ouais, c'est. Ça touche particulièrement. Ouais. En plus, la péninsule ibérique, ça me touche particulièrement. Mais il y a des dates à Toulouse, c'est ça? Il y a une date à Toulouse. Ouais. Ouais. Finalement, qu'une, il devait y en avoir deux, mais il n'y en a qu'une finalement. Ouais. D'accord, bon, c'est pas grave. C'est une petite exclue un peu loose, mais exclue quand même. Mais il y a une exclue win, parce que vous allez donc en Andorre. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Au Portugal, vous faites deux dates. Ouais, on y va le lendemain d'Andorre, donc ça va être un peu chaud. Ça va être chaud, parce que Andorre, centre-est au Portugal, c'est chaud. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on a recruté deux chauffeurs, dont notre papa, ici présent. Qui veut parler au micro. il va venir. Après, vous repartez en Espagne, Catalogne, Valence, puis après, France, Lyon, Bron, etc. Vous retournez à la maison, quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, moi, je me suis dit, mais comme ils vont au Portugal, on va écouter un petit peu des groupes rock portugais. Trop bien. C'est cool, ça. Là, juste une parenthèse, vous avez trouvé des dates à l'étranger comment? C'est pas facile de trouver des dates en France. Par mail. Par mail. Ouais, en deux mots, c'est ça, ouais. Par mail et par un réseau social qui est assez connu, qui permet de trouver des contacts, quand même. Relativement facilement. Et puis Cyril de notre label nous avait fourni un fichier des contacts. Une petite mine d'or et avec laquelle on a pu travailler. Donc vous êtes débrouillé tout seul. Voilà, comme c'est ça. Des Ça prend du temps, mais le jeu en vaut la chandelle. Bah oui, tu m'étonnes. Et oui. Du coup, le petit groupe dont je veux vous parler, c'est un groupe de Lisbonne. Que j'ai découvert alors à Lisbonne même. Je suis allée au festival Nos Alive qui a lieu tous les mois de juillet à Lisbonne. Donc c'était en 2016, c'était il y a 3 ans bientôt. Donc c'est un groupe composé de 2 batteurs, un synthé, une basse. Et donc le groupe s'appelle Paus, P-A-U-S. Le titre s'appelle Bandeira Branca, ça veut dire le drapeau blanc. Et puis là, l'enregistrement, il est issu d'un live qui a été enregistré en 2014 à Amsterdam. Oh c'était la séquence insolite, on va dire. Bah non, c'était il y a cool, toujours une petite séquence insolite, cool. En fait. L'autre fois, Pat, il nous a fait une reprise par un groupe improbable de I Was Made for Loving You to Kiss. Je version un peu pas. Électro. Voilà, donc là on a un groupe portugais, mais c'est bien. C'est... Ils font de la musique au Portugal. Michel a l'air assez difficile. En tout cas, c'est bien. Non. Mais il y a des groupes en Sierra Leone, je les amènerai la prochaine si fois. Si tu veux, pas de problème. Alors, revenons à nos moutons. Oui, enfin, Lingus. Ouais. On veut bien être des moutons, ça ne me dérange pas. Mais, non, on voulait juste vous parler un petit peu de vos influences, parce que vu que vous êtes un trio hybride, on s'est dit, mais d'où ils sortent leurs trucs. Voilà. Eh ben, c'est une bonne question, parce qu'il y en a pléthore d'influences. Oui, on imagine, en plus, vous êtes trois, donc forcément. Ouais. Mais bon, il y a le batteur qui a un peu des goûts de chiottes. Mais il y en a toujours un dans un trio qui a des goûts de chiottes. Hein. On dit que c'est moi qui ai des goûts de chiottes dans l'émission. Tu vois, vous avez amené le truc un peu plus jazz, je pense, vous. Un côté un peu plus... Ouais. Tu crois qu'on fait du jazz, toi? C'est vrai que c'est vachement jazzy, ce que vous faites. Non, mais pas jazz, mais... T'as un peu, des un peu pots de sauce dans les oreilles ou... Non, je suis pas d'accord. Mais il joue avec vous, lui ou... Ah merde, y a des petits... Ah mais je suis pas dans le bon groupe. Il y a des petits si il y a des petits trucs jazzy. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Dans les rythmiques notamment. Non mais je dis pas que des conneries. Hein. Oui, il y a des ruptures de morceaux qui sont un peu pétés, du coup qui pourraient plus se rapprocher de. Après on est vraiment pas assez bon pour faire du jazz. C'est le jazz, c'est les matheux de la musique. Ouais, voilà. D'accord. Mais en termes d'influence, c'est clair qu'on en écoute. Oui, c'est clair. On aime beaucoup ça, ouais. Après, Matheux, oui et non, parce qu'il faut quand même beaucoup d'improvisation jazz. Ils ont toujours des rythmes un peu, c'est rarement binaire justement. Enfin, après tu déconstruis. Il y a quand même beaucoup d'impro, c'est particulier. Et d'ailleurs, il y a un style dérivé du jazz qui est devenu rock, et il s'appelle le mat rock, justement. On parle de mat, c'est pour avoir des structures un peu toutes tarabiscotées. Et ça, on a des trucs un petit peu comme ça. C'est vous qui voulez le voir, le mat rock, j'avais vu. C'est une vraie influence pour nous, le mat rock, c'est sûr. Même si on n'est pas un groupe de mat rock à part entière. Non, on parce aime que bien en, aussi en général, les refrains. De... Les... Ouais. Et les groupes de mat rock, ils ne nous aiment pas parce qu'on... Vous êtes pas assez mat rock. On fait trop de mélodies. On ne sait pas encore. Alors, les influences, justement. Ouais. Venons-y. Alors du coup, vous avez choisi quoi? Je pense qu'on peut parler de Rage Against the Machine. Je t'ai un peu coupé la parole. Tu veux parler du titre qu'on a choisi? Non, pas forcément. C'est marrant parce que tout à l'heure, je vous ai dit System of a Down. Et au moment où je disais System of a Down, je trouvais qu'il y avait des sonorités RATM. Ouais, un peu industriel, années 90. Je pense que c'est la base. On peut parler de base. D'accord. Et puis pas trop dans le champ, par contre. Non, pas du tout le champ. Après, c'est pas rappé, Mathias, du coup. C'est un peu un problème. C'est pour ça que c'est pas de la fusion. Et rapper en anglais, c'est d'autant plus difficile quand t'es un Frenchie, quoi. Et surtout de Lyon. Voilà, surtout de Lyon. Et encore, ça aurait pu être Pierre, elle aurait pu être de Saint-Étienne. Attention. Du coup, ouais, il y a côté facile. RATM et du coup, le dérivé un peu plus modernisé qui est Muse, qu'on assume totalement et qui est fait par. Je sais que Cécile commence à faire la moue. Eux-mêmes sont très inspirés de RATM. Ah non, mais moi, je suis complètement. Muse, ça me va très bien. Mathieu Bellamy a attaqué la guitare. Les derniers Muse. J'avoue que l'avant-avant-dernier Muse m'ont un peu fatigué. Le dernier s'écoute, mais je préférais un petit peu ce qu'il est. Pas forcément les premiers d'ailleurs, mais. Là, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ils ont le mérite. Parce que souvent, t'as les puristes qui te parlent du premier album, genre Showbiz et tout. Ouais, mais c'est le alors côté que... produit, ça. Ouais. C'est alors que quand t'aimes pas, c'est réglé. Tu dis Radiohead, c'est mieux, et puis. Mais c'est vrai qu'il y a des petites influences que du coup, Cécile n'aimera pas sans doute. Mais c'est pas grave, on est désolé. Mais, tu me déçois. Mais oui, c'est vrai. Mais oui, il y a le côté après système un peu arabisant, machin. Ouais, on aime bien aussi ce côté-là. Côté western aussi. Côté western un peu. Musique de film. Ennio Morricone. Ouais, Ennio Morricone. Puis après, il y a tout un pan de plus jazzy, quoi. Tu tires un peu vers le jazz, quoi. Fusion, comme Fork, le groupe. Voilà, Fork. Justement, venons-en au fait. Alors, vous avez choisi Fork. J'ai cru que c'était Ford au début. Je me suis dit, tiens, c'est la BO des meilleures musiques de pub de Ford. Mais non, c'est Fork. Je suis en forme aujourd'hui. je suis en Fork. Ah, pas mal. Je suis venu en force. Alors, on vous écoute. Non, je suis en forme là, aujourd'hui. Alors Fork, c'est un groupe dérivé du groupe des Snarky Puppy dont on parlait, en fait, où il y a quelques membres. Il y a des membres communs, ouais. Et en fait, c'est un groupe instrumental qui est vraiment intéressant parce que c'est à la fois un peu jazz, mais vraiment qui dérive vers des choses plus pop-rock aussi. C'est très moderne comme musique. Super et moderne. Et Enfin, on aime beaucoup, quoi. Et puis, on avait qu'un CD, on n'a que le premier. Alors, il faut vraiment écouter ce qui se passe aussi ensuite. Ouais. Et ben on les a vus en live, en plus. Et c'est à jazz à Vienne, gratuit. C'est, en tout cas, si ça passe dans le coin, il faut vraiment aller voir. On va pas faire de la pub, toi. Donc le titre s'appelle Groot, c'est ça? Ouais, je crois. Allez, c'est parti. Бабушкин жатиня, да меня алегры косиня, то будешь такой туэ. Видишь, кому я помогла, то не что принай вода, так вот так и буду все. Petit titre encore d'un groupe portugais qui s'appelle Chutos y Ponta Pejo. C'est un groupe qui est né en 78 et qui tourne encore, malgré le décès de leur guitariste. Oh. Et donc la chanson qu'on vient d'entendre, elle s'appelle A Minha Casinha, ça veut dire ma petite maison. C'est un peu les téléphones portugais. Donc du coup, ils sont connus mondialement au Portugal. Et puis là, c'était un extrait d'un live de 86. Et en fait, la chanson, en fait, c'est une reprise de Fado, qui date de 1943. Et alors, pour la petite anecdote, c'est une chanson qui a été reprise par les joueurs de l'équipe nationale lorsqu'ils sont revenus au pays avec la Coupe d'Europe dans les mains, en 2016. Oh, donc, quand ils sont défilés dans Lisbonne, ils se sont mis à chanter ça. Et tous les gens qui étaient là ont repris cette chanson qu'ils connaissent par cœur, vu qu'elle est... C'était contre la France, d'ailleurs. Très connu, tout à fait. Ouais, je peux dire Ronaldo j'étais... chantait cette chanson. Et j'étais sur place, tout à fait. Excellent. Je l'ai vu, je l'ai entendu. Le but d'Eder dans les prolongations. Ouais. Eder, qui aimait, ce type, il n'a jamais rien fait. Il joue une espèce de but de raccro. Bah, il joue à Cuisolouan ou au Creusot. On s'en fout. Ah, il était à Lille à l'époque, si je ne me trompe pas. Oui, ouais. Incroyable. Ouais. Enfin, tu vois, c'est si finalement on parle de foot. Hein. Il en faut un, ouais, tu vois. Donc c'est venu le moment de notre session live. Exactement, donc on va avoir droit à un petit live de Lingus. Est-ce que quelqu'un peut présenter le titre qui va être chanté? Alors oui, il s'appelle « Two Things at Once ». Il est extrait du dernier EP. Exactement, ouais. Okay. Antoine, tu peux il dire. Parle de multitasking. Ouais. Voilà. Le fait de... Oui, c'est bon. De cumuler les tâches et de faire plusieurs choses à la fois, ce qui est en vogue actuellement. Comme Julien, par exemple. Voilà, qui discute, boit de la bière et est sur les réseaux sos en même temps. Et moi, j'ai des remontées de bière et je vais devoir chanter, tu vois. Attends, c'est de la bière portugaise et elle est bonne. Ouais, tu peux pas dire le contraire. C'est vrai, c'est de la sagresse, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, c'est de la sagresse. Two things at once, s'il te plaît, Mathias. Allez, c'est parti. Thank you. say I've come upon a guy with a knife. Could say no. Today I've really scared of viewers and I would rather you to. I've watched a movie with my best friend, grabbing a 7 TV. The rear up in that image, defecating point. I would really love you to tell me how. Two things at once. Multi-time, sell me love. Teach me the trick. I want you to tell me how. Two things at once, don't you? I wish I could sell my kidney. I take all advice to steal la la la, to scream la la la. Merci à vous. Allez. Bravo. Voilà, c'était Lingus sur Radio Gaga Radio Duo. Il va bien être temps de dire au revoir. Juste, petite remarque, ça change. Enfin, l'acoustique, ça n'a rien à voir avec le son. Enfin, j'ai pas reconnu la chanson, en fait. Mais, ah merde, mais ça se trouve, on l'a très mal fait. C'est peut-être ça. On la réécoutera en podcast, on verra, on compare. Mais oui, c'est sûr que les adaptations acoustiques. Ouais, oui, on est obligé de l'adapter justement. Oui, ouais. Non, mais c'était beau, hein, y a pas de problème. Ouais, je trouvais ça pas mal. Dit-il. Mais c'est déjà fini, Michel, ça. Bah, c'est fini. On a peut-être le temps de passer le titre de base. Bah, on va essayer de le passer. Ouais, ça peut on va être cool. Le passer. Ouais. Alors, c'est un titre. D'abord, on dit au revoir à oui, tous. Oui, merci d'être venu. Merci à vous. Merci Cécile et Michel. Pas, merci à vous. On n'oublie pas, on n'oublie pas. La caserne des pompiers à Saint-Chamond le 9 mars. Ouais. Parce qu'en plus, il y a 4 groupes et il n'y a que du bon. Donc. Yes. Ouais. Pas hésiter. Alors, on va finir en fanfare avec un titre de Pat qui nous écoute. Et qu'on embrasse. Groupe français qui s'appelle, donc j'ai le droit de prononcer à la française, hein, Bad Fantasy. Et le titre s'appelle Fast and Cheap. C'est parti. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Salut. Salut. While the world is going too fast, where the train is going mad, I've got a wild smile, I got my spaceship. So ask me no questions and I'll tell you no lies. I just got what I need, it's something really fast and cheap. It's what I wanna take you to the stars. Well, my friend is going there, but I wanna lay in bed. You know, today I won't do anything. Got all my jewelry, know what we made me see. I have nothing to do and tell you this is great.